regarde le ciel en pensant à mes souvenirs, qui j'étais à l'ancienne. Quand je faisais pas semblant de sourire, faut apprendre à s'ouvrir, accepter de souffrir. Face aux peines je soupire, toute façon chacun a les siennes. 38 ans je suis à l'essai, mon ego m'a pas laissé. Nos âmes on les saigne, c'est pour ça que nos cœurs sont blessés. On survit pour nos gosses car ce qu'on fait on l'assume. Baisé par la fume, on est contrôlé par la thune. Faudrait sauver la planète, qu'on sauve déjà nous-mêmes. Comment être fraternel si vous aimez pas qu'on nous aime? Alors on fait nos bails pour camoufler nos failles. Dans le rap je suis un no life, nos lives sont pas à Dubaï. On a tous un trou de balle, donc pourquoi faire le Pablo? Leur dernière trouvaille, des filtres quand t'es pas beau. Tant qu'on est sur le râteau, on continue de ramer. La vie ne fait pas de cadeaux, on attend juste de canner. Ouais d'ablage je suis au taquet, désolé encore j'arrête. T'as pas une clope, je touche le fond, j'ai l'œil dans le fond du paquet. Je suis perdu, j'ai mis le loquet sur le passé à quatre pattes, cherche les croquettes dans la moquette, un peu comme le petit pousset. Je me suis posé mille questions, j'ai multiplié les maquettes. Mes capacités servent à R, je vis 3 secondes dans la raquette. Je fais des puzzles avec les mots, bienvenue dans mon magasin de jouets. Y'a du hustle dans mes démons, la résilience sur l'étagère. Y'a pas de délivrance, sachet que désormais tout s'achète. On coupe plus pour un sachet, ceux qui font la chair de sa chair. Antiquaire, je m'attarde à contempler l'immensité. Je suis comme un certain bâtard, collectionne les curiosités. Cultive les tracacités sous cloche d'un soleil de néon. Je prétendais capacités qui n'étaient rien qu'une illusion. J'ai délaissé mes allusions, enfermé dans le micelle. Le pantin croit toujours que c'est pour son bien qu'on tire les ficelles. Dieu m'a.